Non, ne me retiens pas, prince, c'est inutile. Je ne demeurerai pas une minute de plus ici. Et toi, tu ne franchiras plus jamais le seuil de ma maison, tu m'entends? Oui, mais de toute façon, on m'a déjà défendu de venir chez vous. La générale Yepanchin, qui s'était déjà éloignée de quelques pas, tourna les talons et me rejoignit rapidement. Elle était tout agitée, comme si on l'avait piquée avec une grosse aiguille. Elle fixa sur moi un regard scrutateur et demanda de nouveau. Que dis-tu? On t'a défendu de venir chez moi? Mais tu te moques de moi, prince. Qui t'a défendu de venir chez moi? Réponds. En répondant à votre question, je commettrai une indiscrétion, Elisabeth Prokofievna. Et puis, tu en as dit trop ou pas assez. Je te somme de me répondre. Qui t'a défendu de venir chez moi? Je vous obéis, quoique tout proteste en moi à la pensée de... Faut-il que je te donne une gifle pour qu'enfin tu te décides à répondre? Oh non, non, non, ne le faites pas. Vous le regretteriez tout de suite et vous vous sentiriez malheureuse. Et voilà, c'est votre fille, Aglaé Ivanovna, qui m'a interdit l'entrée de votre maison. Quand cela? À propos de quoi? Mais parle donc, grand sot! Ce matin même. Pourquoi? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'elle m'a envoyé un de vos domestiques, et ce domestique m'a remis un billet. Montre-moi ce billet. Et gare à toi si ce n'est pas vrai. Je connais l'écriture de ma fille Aglaé, tu sais. J'hésitais un peu avant de retirer de la poche de mon gilet un morceau de papier chiffonné. Le général Yepanchin s'en empara avec une rapidité de prestidigitateur. Prince Léon Nikolaïevitch, si après ce qui s'est passé, vous songez encore à venir chez nous, soyez sûr que je ne serai pas parmi ceux que cette décision enchantera. Elisabeth Prokofievna demeura un moment silencieuse. Visiblement, elle réfléchissait à la signification véritable du billet que m'avait écrit sa fille Aglaé. Un sourire triomphant se dessina tout à coup sur ses lèvres. Elle me saisit par le bras et m'entraîna derrière elle. Viens avec moi, à l'instant, prince. Viens tout de suite chez nous. De grâce, Elisabeth Prokofievna, comment puis-je me rendre chez vous? Je m'exposerai à... Mais à quoi, gros nigaud? À quoi, pauvre innocent? Mais... On dirait que tu n'es pas un homme. Viens, te dis-je. Laissez-moi au moins prendre mon chapeau, Elisabeth Prokofievna. Ton chapeau, mais tu le tiens à la main, prince. Ah, mais... Veux-tu le mettre sur ta tête? Bon, alors te gêne pas. Enfonce ton chapeau sur ta tête et partons. Et la générale Yepanchin, s'agrippant toujours à mon bras, m'entraîna à sa suite. Chemin faisant, elle proférait des paroles dont le sens m'échappait. Elle se taisait un moment, puis se remettait à lancer des petites phrases entrecoupées. Elle semblait tout excitée, et ses yeux, tantôt brillants, tantôt sombres, se posaient sur moi avec une attention bien particulière. Pourquoi Aglaé a-t-elle envoyé ce billet au prince? Mais, à cause de ce qui s'est passé tout à l'heure, pour me contrarier, c'est évident. Ce matin, j'ai pris ta défense contre Aglaé. J'ai dit que tu étais sot de ne pas venir habiter chez nous. C'est sûrement pour ça qu'Aglaé a écrit un billet aussi indécent. Permettez, Elisabeth Prokofievna, qu'avez-vous trouvé d'indécent dans le billet d'Aglaé Ivanovna? Ne l'innocente pas. Ce billet est indécent. Enfin, il est indécent pour une jeune fille convenable. Ouais, peut-être s'est-elle sentie dépitée en ne te voyant pas venir chez nous. Ce qui l'excuserait en partie. Qu'en penses-tu? En vérité, j'ignore les motifs qui ont poussé Aglaé Ivanovna à m'envoyer ce billet. Oh, je suis sûre de te demander ton avis. Tu ne connais rien aux sentiments et aux réactions des jeunes filles. Oui, oh. Aglaé voulait que le prince vienne à la maison. Seulement, elle n'a pas réfléchi qu'on n'écrit pas ainsi à un idiot qui prend tout au pied de la lettre, comme c'est d'ailleurs arrivé. Qu'as-tu à ouvrir toutes grandes tes oreilles, prince, et à mes pieds de la sorte? Le général Yepanchin se rendit soudain compte qu'il s'était trahi, en pensant à haute voix. Elle rougit, mais se ressaisissant, elle m'abreuva d'invectives. Surtout, ne t'imagine pas les choses, et ne te gonfle pas comme un paon. Aglaé ne t'aime pas. Mais elle s'ennuie et elle a besoin d'un bouffon pour la distraire. Elle ne t'a pas vu depuis 3 jours, alors elle te réclame. Ça ne va pas plus loin. Mais je ne me fais aucune illusion sur les sentiments que peut nourrir à mon égard Aglaé Ivanovna. Et tu es sage, prince. Aglaé n'est pas pour toi, pauvre innocent. Oh, je serais contente si dès à présent elle se mettait à te ridiculiser. Très contente, prince. Ah, tu ne l'aurais pas volée. Et elle est habile à ce jeu-là, tu sais. Vous êtes en bonne compagnie, mes chères filles. Jeanne Pavlovitch, le prince Soukine Ekolia, le lycéen. Ah, lui, par exemple, je ne sais pas ce qu'il fait ici. Bon, bon, Alexandra, mais ne me regarde pas comme ça. Je n'ai rien contre ce garçon. Mais je n'aime pas son frère aîné, Gabriel Ardalionitch. Sa sœur Varvara non plus. Enfin, pensons. J'ai forcé la retraite du prince Léon Nikolaïevitch Myskine et je l'ai entraîné chez nous. Vous avez très bien fait, maman. C'est là une excellente idée, maman. Mais je le pense bien. La solitude ne vaut rien au prince. Mais ne demeurez pas derrière mon dos, Léon Nikolaïevitch. Avancez, saluez tout le monde. Les dames d'abord et les messieurs ensuite. Comme ça doit se faire. Je suis confus, croyez-moi. Seule l'insistance d'Elisabeth Prokofievna. Mais j'ai interrompu votre conversation, il me semble. Excusez-moi. Pourquoi vous excusez-vous, prince? Pourquoi cet excès de modestie, cette humilité? Parce que... Mais ce sont les autres qui doivent vous demander pardon de se trouver en votre présence. Oui, tous, tant qu'ils sont, ils ne valent pas votre petit doigt. Vous êtes plus honnête, plus noble, plus généreux que tous. Alors je vous demande de nouveau, pourquoi vous humiliez-vous constamment? Pourquoi vous sentez-vous inférieur aux autres? N'avez-vous donc pas d'orgueil? Voyons, Aglaé, tu pourras interroger le prince quand tu seras seule avec lui. Pour le moment, laisse-le tranquille. Ce n'est pas lui qui a cherché à venir chez nous, c'est moi qui... Dans votre émoi, prince, vous avez gardé votre chapeau sur la tête. Taisez-vous, Kolia. Taisez-vous, petit sot. Et Aglaé Ivanovna se jeta sur Elisabeth Prokofievna. Elle semblait avoir perdu tout contrôle de soi. Elle tremblait et des larmes coulaient de ses yeux. Oh, maman, pourquoi tous me font-ils souffrir? Pourquoi depuis 3 jours m'ont-ils choisi pour cible de leur raillerie? Pourquoi insinuent-ils perfidement que je m'intéresse? Ou que dis-je? Que je suis amoureuse du prince Myskine? Calme-toi, Aglaé. Personne ne dit que tu es amoureuse du prince Myskine, voyons. Pour rien au monde, je ne l'épouserai. Pour rien au monde! Tu es vraiment insupportable, Aglaé. Que signifie cette scène absurde? Voyons, prince. Est-ce qu'on peut épouser un être tel que vous? Non, ne répondez pas. Regardez-vous d'abord dans un miroir. Tenez. Vous vous êtes vue? C'est bien, maintenant vous pouvez me répondre. Mais personne n'a jamais pensé que tu puisses te marier avec le prince. Reprends tes esprits. Non. Alors pourquoi vous moquez-vous de moi? Pourquoi ces airs sournois et ces sourires entendus? Qui s'est moqué de toi, Aglaé? Quand? Ah, Dieu m'est témoin, tu divagues, ma fille. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Myskine, Ginette Taffin, Aglaé, Denis Costanzo, Adélaïde, André Florence, Alexandra, Jean-Pierre Lorrain, Kolia et Gabi Morlaix, la générale Yepanchine. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.